Les prévisions météo pour ce mercredi 16 février. On commence par Paris, où il ne fera pas très chaud, 5 degrés seulement, mais avec un beau soleil. Dans le nord, à Lille, il y aura beaucoup de nuages et il fera 7 degrés. Du côté de la Bretagne, à Rennes, de la pluie. Eh oui, il pleuvra toute la journée chez nos amis bretons, mais les températures seront douces, 13 degrés ce mercredi. Dans l'est, il neigera à Lyon où il fera 0 degré. Et dans le sud, il y aura beaucoup de vent à Toulouse avec des températures basses, 3 degrés maximum. Mais les Marseillais, eux, pourront profiter du soleil et de la douceur de l'hiver avec 15 degrés. Quelle chance !